T'as capté, hein? On va pas grandir avec des cuillères en argent dans le cul, fiche de cul. T'as daron en classé. T'as un peu. Comme quand j'étais un cafard, avec un flash dans le Zara, chaussette qui tient l'opinel, ces générations bâtards, croque noir avec des grilles, tolouris dans le funérarium, trop plein à l'aluminium, ils sont morts avant les impiges, se lever pour mille de ces trop, comme quand la vie prend au trip, seul comme si on était 100, juste comme si on était 1000, trois réseaux dans le barrio, trois armes à feu dans la piole, son cul passe par la portière, il me faut une nouvelle bagnole, en vrai rien qu'on rigole pas, j'suis ton petit et qu'on trompe pas, plus ton trompe pas, te trompe pas, plus gosse de l'œil dans le compas, des photos et tu hack, des zéros et tu jacques, dehors tu me calcules hop, j't'enverrai pas des mandats, toujours à jouer sur le custy, toujours à faire tout ce qu'on dit, toujours à faire ce que j'ai entre une tournée et un contrat. J'ai pas trouvé mon syndrome, pas trouvé ce fils de timbre, j'ai pas trouvé mon syndrome. T'as un peu, t'as qu'à retrouver mon cœur si tu trouves ça facile. Si t'empêches, attends qu'on t'attache, nourri au plein rapide, non? Ah, venez faire le clip à Marseille, bande de taf. Non. Là on boit, attends je t'explique un truc, ma cigarette se consume. Chez Castron, pour une meuf à part, il est préconçu. Y'a des fringues, des kilos dans l'appart. Sans être prétentieux, je veux ton regard, tes louches sous tes lunettes. Fais-nous voir tes yeux, le très haut, soumis à un seul. Souris à tous les ciels, j'suis au préau. Tu m'y le par jour, visite leur tour Eiffel. Rien à foutre, deux cartes sur la route. J'en ai rien à foutre, c'est nous qu'on parle fort. Dans rue, fais qu'à dans rue. Trop pétard, on lève dans les bras, deux putes dans les bras. J'suis un rat, j'meurs avec les rats, ouais. Tous mes scélérats, rien que j'encaisse, rien qu'on fait le tour du monde. Rien que j'suis sur les ondes, rien que tu suces, rien que tu tailles des pipes, rien que tu lèches des pompes, la vie c'est dur, comme des poteaux qui se liguent pour te la mener dure, on survit dedans dans la hure, en jean en vêture, ouais, motherfuck, la rose à Saint-Antoine, parce qu'il y a Aubert, on est trop visionnaires qui veulent mourir millionnaire, j'ai un van, bon fait des dames, c'est pour niquer la banque, une baguette sur le distributeur, attends qu'un mec approche, non? Ah, ouais, ouais, attends je t'explique un truc, ma cigarette se consume, ça fait 6 ans que j'ai pas croisé le daron, toi, me dis pas qu'on se voit plus, j'étais R, j'étais R, c'est parce que j'étais hier, je lasse au fond du ventre, c'est réel, plus que la VR, y'a pas de preuve, on fume et y'a pas de preuve, crime c'est pas la grève, tellement chaud, on aurait dû grandir en t-shirt sous la grève, 90, on commence à 12 ans, on prend des pots à 10, on meurt avant 30 ans, souvent du plomb parce qu'on prend gros risque, et quand les gosses deviendront grands, nous qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'on a rien fait depuis tout ce temps, trop occupé à vieillir, nah, j'pense plus pour le X5, longtemps que j'y trixais. Je veux juste les voir passer du LOXS, je serai quelques jours sur iTunes, en haut du classement. Quelques jours sur la lune, t'as un front bolide allemand. Les armées fumées aussi, s'attaquer un ou idem. Y'a pas que les pensées qui tuent, pas que les vieux qui sont ridés. Des jeunes sont morts hier, c'est ce qu'a rendu toute ma ruelle triste. Père et mère déclare pas tout, je suis élevé par UL fisc. Ah ouais. Hein. Ouais, dans la vie elle est haute. Pas que les pensées qui tuent. Ouais. Oh. Les armées fumées aussi. Ouais. PDG ma haute barre et rien des heures. On a grosse gueule comme si elle est R. 19. All stars, ceux qui veulent la guerre. De compte offshore et AVR, AVR, je vois de mal comme si c'était hier. Comme hier, t'as un front ton AVR. Rose d'al comme si AVR. Des E des armes, dis-moi qui fait la guerre. Fais des gemmes à Audemars et AVR. On a grosse gueule comme si AVR. All stars, qui veut la guerre. De compte offshore et AVR, AVR, je vois de mal comme si c'était hier. Comme hier, t'as un front ton AVR. Rose d'al comme si AVR. Des E des armes, dis-moi qui fait la guerre. Oh.